Quand la musique est bonne, Jean-Jacques Goldman sur RGM. Un peu plus de 8h41, on va faire un point tout de suite avec le don du sang du mois d'octobre. Organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois d'octobre 2019 dans notre département. Tout d'abord, il faut savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et donc, pour répondre à cette exigence, il faut aller donner son sang. Et voici les dates pour le mois d'octobre. Vendredi 11 octobre 2019, à Saint-Dié-des-Vosges, à la salle Carbonard, située à l'adresse 27 Place de l'Europe, de 9h à 13h et de 15h30 à 19h30. Lundi 21 octobre 2019, à Plombières-les-Bains, à la salle Claude et Deux Augustins, située 6 rue Griot, de 16h à 19h30. Samedi 26 octobre, à La Bresse, à la salle des fêtes, située à l'adresse 12 place du Champtel, de 8h30 à midi et de 15h à 18h30. Jeudi 31 octobre 2019, à Cornimont, à la salle des fêtes, située à l'adresse 24 rue 3ème DIA, de 16h à 19h30. Je le rappelle une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, peuvent sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà pour le don du sang du mois d'octobre. Allez, à 8h43, on fait un point sur ceux qui sont nés un 11 octobre 1951, naissance de Jean-Jacques Goldman, chanteur français, compositeur également. Hein. 1953, naissance de David Morse, acteur américain, vu dans Guet-apens, L'armée des douze singes dans le rôle du docteur Peters, La ligne verte dans le rôle de Brutus Howell, dit Brutal, World War Z, la série télé Doctor House dans plusieurs épisodes dans le rôle de Michael Tritter, ou encore la série Blindspot. 1972, naissance de Claudia Blake, actrice australienne, vue dans la série Farscape dans le rôle d'Erin Sun, la série Stargate SG-1 dans le rôle de Valamal Doran, NCIS Enquête Spéciale ou encore The Originals dans quelques épisodes dans le rôle de Dahlia. 1973, naissance de Linda Hardy, mannequin, actrice, animatrice française qui fut Miss France en 1992. En tant qu'actrice, on a pu la voir dans Un homme et son chien, la série télé H dans le rôle de Charlotte Strauss, la fille du docteur Strauss, section de recherche dans le rôle de l'adjudant-chef Claire Linsky, mafiosa dans les saisons 4 et 5 dans le rôle de Livia Tavera, et depuis 2018, elle incarne Clémentine Doucet, la prof de sport dans la série Demain nous appartient. 1976, naissance d'Emily Deschanel, actrice américaine connue pour son rôle de Tempérance Brennan dans la série télé Bones, où elle est également productrice de 200 épisodes et réalisatrice d'un épisode. 1977, naissance de Bud Bomer, acteur américain vu dans Massacre à la tronçonneuse Le Commencement, Magic Mike et Magic Mike XXL dans le rôle de Kane, la série télé True Calling compte à rebours dans le rôle de Luke Johnston, Chuck dans le rôle de Bryce Larkin, FBI Duo très spécial dans le rôle de Neil Caffrey, et il est apparu dans quelques épisodes de Will et Grace dans le rôle de McCoy Whitman. 1979, naissance de La Rousseau, chanteuse française, connue pour le titre Tu m'oublieras, dont on écoute tout de suite un extrait. Tu as en me regardant.

Cardi B avec le titre I Like It en featuring avec Bad Bunny et J Balvin. Allez, on est sur le 107FM, il est presque 8h52 et on continue nos points sur les billets de sortie en ce vendredi. Je vous rappelle qu'il y a pas mal d'événements dans la région et tout de suite c'est Lia qui nous présente le Festibio. Bonjour à toutes et à tous, il est temps de faire un petit tour vers le billet de sortie pour ce qui vous attend, entre autres ce week-end. Et tout de suite, on vous parle de Festibio qui aura lieu le samedi 12 octobre de 10h à 19h et dimanche 13 octobre de 9h à 18h à Docelles. L'entrée est libre et le thème est l'agriculture et l'alimentation. Et vous retrouverez sur place une cinquantaine d'exposants qui proposeront des produits bio et écologiques, des associations qui vous feront découvrir leurs actions autour de l'humain et de l'environnement, des échanges, débats sur l'agroécologie, l'agroforesterie, l'autonomie alimentaire territorialisée, le burn-out et le jardinage. Vous y retrouverez également un espace agricole et des expositions. 40 variétés de fruits d'automne vous seront proposées et il vous sera possible de vous restaurer bio et local. Entre 11h30 et 14h30, le samedi et le dimanche, une buvette bio et locale sera également à votre disposition. Quant aux animations et aux ateliers de création, eh bien vous retrouverez du troll ball, un jeu de balles et d'épées en matériaux de récupération. Le Grand Duc qui part en chasse, c'est un jeu revisité sur la thématique des rapaces nocturne. La carte d'identité de ma petite bête chérie est un jeu d'apprentissage de collecte et d'identification des insectes. À la découverte des producteurs est une balade animée par les familles sous forme de jeu et interview des producteurs par l'outil radiophonique. Jeux en bois et jeux de société nature et enfin atelier de création pour construire des niches à abeilles solitaires, des instruments de musique, des fresques aux encres et techniques naturelles. Quant aux informations et inscriptions, eh bien ça se passe sur www.biograndest.org, B-I-O-G-R-A-N-D-E-S-T, auprès de Carole Tonin. Pour l'adresse mail, eh bien c'est contact-6-gab88-orange.fr, G-A-B pour Gab, et au 07 69 27 03 91. Voilà pour ce Festibio qui aura lieu à Docelles ce week-end. On rappelle que l'entrée et libre. On vous souhaite une très belle journée sur Radio Gémozo. À bientôt. Merci Lia d'ailleurs qu'on va retrouver dans quelques instants pour un autre événement. Tout de suite à 8h54, on fait un point météo. La météo. Alors, ce matin, nous avons quelques nuages, mais pas de panique, on aura bien du soleil aujourd'hui, ça fait plaisir. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés ce matin, entre 17 et 19 degrés prévues pour cet après-midi. Pour samedi, ce sera principalement une journée ensoleillée, même si on pourrait avoir quelques gouttes de pluie pour samedi après-midi. Des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 19 et 20 degrés prévues pour samedi après-midi. Et alors, dimanche, très belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin et entre 21 et 22 degrés, oui vous m'avez bien entendu, pour dimanche après-midi. Allez, tout de suite on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et petite actualité sportive ce matin, on commence avec du tennis, le tournoi de l'INSEE et la qualification hier de Mladenovic en 3-7 face à Vekic, 3-6, 6-1 et 6-2. À noter l'abandon d'Alizé Cornet face à Ostapenko. Aujourd'hui, Mladenovic affrontera Alexandrova. Il y aura du hockey sur glace ce week-end en D2, Épinal qui se déplace en région parisienne pour affronter l'équipe des Français volants. Un mot de football tout d'abord avec les espoirs, match de qualification. Pour l'Euro, la France a battu l'Azerbaïdjan hier 5 buts à 0. Et ce soir, qualification pour l'Euro également, mais cette fois c'est l'équipe de France A qui se déplace en Islande. Allez les Bleus, et c'est tout pour l'actualité sportive. Oui, je vous avais dit, il n'y a pas grand chose ce matin. Mais on va faire un nouveau point sur les événements qui ont lieu ce week-end. Et on continue avec le grenier des mots. Bonjour à toutes et à tous, un nouveau petit tour vers le billet de sortie. Cette fois, je vous parle du 4e grenier des mots qui aura lieu le 12 et le 13 octobre à la rotonde de Taon, les Vosges de 10h à 18h. L'entrée du salon est complètement gratuite. Vous y retrouverez des dédicaces, des tables rondes, des animations de lecture pour les plus jeunes, des poésies, des romans, des livres d'art, des illustrations polars, BD jeunesse et même du théâtre dimanche à 15h. De nombreux auteurs de maisons d'édition et d'artisans professionnels seront là, entre autres Micheline Faliguero, que nous avons reçue il y a peu et dont vous entendrez l'interview très prochainement, sera présente donc au 4e Grenier des Mots à la Rotonde de Taon-les-Vosges ce week-end pour vous présenter Le Petit Seau Bleu, son nouvel ouvrage. On l'écoute tout de suite. Plusieurs salons du livre à venir, on vous retrouve alors, où alors? Donc, Taon-les-Vosges, oui. ce week-end, alors oui. Là, c'est leur 4e Grenier des Mots. J'aime bien l'expo. Donc, à Taon-les-Vosges, Michel Kiffera voit son animatrice présenter des kamishibai. D'accord. Et puis, je serai avec elle, et puis je vais raconter aussi l'histoire de mon petit seau bleu. Et voilà, ça fera peut-être une motivation pour les familles à venir, au moins, ne serait-ce qu'écouter une histoire avec leurs enfants. Voilà pour la présence de Micheline Faliguero à cette 4e édition du Grenier des Mots. Ça se passe donc le 12 et le 13 octobre à la Rotonde de Taon-les-Vosges de 10h à 18h. Très très bon week-end à vous tous. Merci Lia. Allez tout de suite, petite pause musicale avec Franck Alamo et Biche ma biche. Biche ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Tenant d'une main ta petite glace ronde, tu plisses ton front enfantin, et de l'air le plus sérieux du monde, tu dessines en un œil de biche, oh ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Tu vois depuis le premier jour qu'on s'aime, frappé par ton regard ailé, j'ai oublié ton nom de baptême, tout de suite je t'ai appelé ma douce. Biche ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Je me demande pourquoi tu te maquilles, si tu veux mon avis à moi. Sans rien tu sais, tu es très très jolie, je ne vois vraiment pas pourquoi. Pourquoi tu triches sur ma biche, je t'en prie de grâce, laisse tes yeux sans rien autour. Pour moi ma biche, quoi que tu leur fasses, tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Biche ma biche, Franck Alamo sur RGM, pile 9h. On fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. Juste après, on écoutera Lia qui va nous présenter un événement avec le Planétarium. À 9h30, ce sera Un Autre Monde. À 11h, Ours et Carottes. 13h30, la rediffusion de Mille et une histoires du tatouage. 14h, rediffusion de J'ai aimé, je vous le lis. 15h, Just Time. 18h, la rediffusion de La Bulle de Lia consacrée à Mon Amour. 21h, Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous et bon week-end.